La Corée prête un intérêt profond à la pisciculture. La province du Chagan surtout profite efficacement de ses conditions proches du fleuve Amno. L'année dernière, des cages flottantes sont installées dans les parages des centrales Aitap de Chongcheonggang et dans d'autres villes et arrondissements, y compris la ville de Kangae. Sur cette base, elle déploie la pisciculture du genre dans toutes ses villes et arrondissements. L'arrondissement d'Oussi a posé la cage flottante de 150 mètres carrés sur le fleuve Amno de la zone de Taepyeong pour y élever des poissons variés. Les arrondissements de Chasson et de Vivonne aussi ont construit chacun les cages flottantes aux 11 endroits et tirent profit grâce à l'élevage scientifique.